deuxième temps de notre histoire des enfers. Aujourd'hui, émission d'archives autour de l'exorcisme. Après avoir parcouru l'enfer chrétien médiéval hier avec Jean-Claude Schmitt, avant de nous plonger demain dans les enfers pré-chrétiens de l'Antiquité et de nous approcher dans le documentaire de jeudi signé Anaïs Quin et Marie-Laure Ciboulet de l'enfer de Dante, nous allons ce matin donc vous parler d'exorcisme. Nous le ferons avec Anaïs Quin qui a préparé cette semaine avec nous et qui va co-animer cette émission grâce à des textes qui seront lus pour nous par Olivier Martineau et commentés par nos trois invités. Laurence Huidard, elle est chercheure à l'unité de musicologie de l'Université de Genève au Front National de recherche suisse et enseignante de philosophie médiévale au Studium des Dominicains de Bologne. Elle est auteure de Fuga Satanae chez Droz. Florence Chavmahir est professeure d'histoire au lycée Janson de Sailly, chercheur associé au laboratoire Histoire et archéologie des mondes chrétiens et musulmans médiévaux à Lyon, et elle est auteure de L'exorcisme des possédés chez Brepols et éditrice du rituel d'exorcisme ou manuel de magie en collaboration avec Julien Véronèse. Et enfin, Benoît Garnot est avec nous, il est professeur émérite d'histoire moderne et auteur d'Une affaire de possession au XVIIe siècle, Les religieuses d'Auxonne chez Imago. Un extrait du psaume 90, Qui habitat in adjutorio, interprété ici par Josquin Després, ensemble Vézère. De Josquin Després, interprété ici par l'ensemble Vézère Renaissance de Braine. Nous sommes avec vous, Anaïs Quin. Bonjour Anaïs. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour à vous, Benoît Garnot. Vous êtes en duplex avec nous depuis France Bleu et Loire-Océan, qui vous accueille dans leur studio. Bonjour. Bonjour. Bonjour à vous, Florence Chavmahir, et merci d'être ici. Bonjour. Et bonjour à vous, Laurence Huidard. Vous êtes celle qui peut-être va pouvoir nous expliquer pourquoi nous ouvrons cette émission par une interprétation donc du psaume 90. Ça aurait pu être, d'après ce que vous m'avez dit juste avant cette émission, le psaume 150. En quoi ces psaumes chantés ont-ils à voir avec la question qui nous intéresse aujourd'hui, à savoir la question de l'exorcisme et de la possession? Bonjour. Eh bien, peut-être que nous ouvrons cette émission par un chant de psaume, parce que l'exorcisme lui-même s'ouvre par du chant. Le chant scande le rituel d'exorcisme, essentiellement à partir de la codification du rituel d'exorcisme vers la fin du XVe, et ce pour deux grands siècles d'histoire. Codification du déroulement du rituel d'exorcisme qui est en fait un grand théâtre de faits, de gestes, de paroles et de chants réglés comme du papier à musique. Parce que c'était une représentation publique ? Ça pouvait être une représentation publique, comme ça pouvait être une représentation privée. Les exorcismes publics se passent sur les places publiques ou éventuellement, évidemment, dans les églises. Et le chant ou les chants des psaumes ont leur importance. Quand l'exorciste approche le possédé, il chante. Il chante les psaumes pénitentiels. Après la confession du possédé, il chante encore. Le prêtre chante les litanies. Enfin, quand le prêtre purifie l'eau et le sel et asperge le possédé de ces éléments purifiés, il chante encore. Est-ce que ça a quelque chose à voir avec ce texte de l'Ancien Testament qui nous explique que Saul a été sauvé par la lyre de David ? Est-ce qu'il y a, dans l'origine justement de cette question musicale liée à l'exorcisme, cette idée que dans l'Ancien Testament, eh bien, il y a déjà une présence musicale pour pouvoir justement chasser le démon ? Tout à fait. Ce passage de David soignant Saul de la possession démoniaque grâce au son de sa lyre est le texte fondamental pour justifier la présence de la musique dans le rituel d'exorcisme. Anaïs Kien. Alors, vous nous avez décrit un rituel extrêmement codifié. On va voir peut-être avec vous, Florence Chavemahir, à quel point ce rituel va prendre son temps, justement, pour s'instaurer, pour être fixé et pour être transmis de manière réglementaire. Ça commence au 4e siècle, donc très très tôt dans l'histoire du christianisme. Tout à fait. Au départ, l'exorcisme n'est pas forcément un exorcisme destiné aux possédés, mais il est un exorcisme baptismal. Il est donc destiné à des catéchumènes, à des gens qui vont être baptisés, et dont on va expulser les anciens dieux. C'est une purification d'une certaine façon. Exactement, par le biais de formulaires codifiés et prononcés par le clergé. Lorsque les catéchumènes deviennent des enfants, lorsqu'il s'agit de baptiser des enfants, cette dimension exorcismale va diminuer légèrement et rester par contre dans le rituel du baptême de façon tout à fait ponctuelle et disparaître pour être reformulé sous la forme de l'exorcisme des possédés. Alors, et autour de d'une présence diabolique. Autour, de toute façon, d'une présence cette diabolique. Cette intervention, de l'idée du diable et de son intervention, tout qui à va fait. Changer l'usage de ce qu'on appelle l'exorcisme. Tout à fait. En fait, il y a trois usages de l'exorcisme. D'abord, cet exorcisme baptismal qu'on voit dans un premier temps, puis un exorcisme sur les choses, qui est aussi beaucoup utilisé. Et qui sur pour... les objets, des objets ensorcelés. Sur les objets. Tous les objets du culte, les églises. Et puis vient l'idée aussi qu'il faut exorciser les possédés. Alors la définition du possédé est plus complexe, elle est moins fréquente aussi bien sûr, heureusement. Et le rituel d'exorcisme se construit à partir des formulaires du baptême. Donc dans les deux premières catégories, il s'agit d'une certaine façon d'exorcisme de prévention. On voit bien que dans la troisième, il s'agit là plutôt de remédier à un mot qui s'est installé à l'intérieur du corps d'un chrétien. Tout à fait. Le mal est installé, le diable est entré, pour une raison ou pour une autre, jamais par hasard. Les possédés sont des victimes, d'une certaine façon, du démon. Ce sont des personnes qui ont commis eux-mêmes un péché ou qui vivent dans un environnement de péché. Ce qui est fort intéressant quand on vous lit, Florence Chavemahir, c'est de voir comment progressivement, justement, tout au long de ce millénaire, pourrait-on dire, d'histoire de la chrétienté jusqu'au XVIIe siècle, et même un peu plus d'un millénaire, eh bien, il y a des évolutions, des changements, que ça ne va pas de soi au tout départ, et qu'il va falloir, donc, comme le disait Anaïs tout à l'heure, codifié, c'est-à-dire il y a des premiers pères de l'Église qui écrivent les premiers textes, et puis ensuite on va avancer, Isidore de Séville au 7e siècle, et puis ensuite la procédure, le rituel romano-canonique au 10e siècle, etc., etc., que tout ça, ça se fait progressivement et qu'on ajoute des processus ou des procédures au fur et à mesure des siècles. Tout dépend des sources dont on parle, bien sûr. Les pères de l'Église ont évoqué l'exorcisme de façon parfois furtive. Par exemple, Isidore de Séville définit l'exorcisme comme un sermon de gronderie. Mais il ne développe pas tellement son... Un sermon de gronderie. Un sermon de gronderie. Les pères de l'Église ne se consacrent pas énormément à l'exorcisme. En revanche, on trouve cet exorcisme dans diverses sources. Et la source la plus intéressante, bien sûr, est la liturgie. Mmh. Mais si les pères de l'Église ne s'y réfèrent pas si souvent, on va se référer aux pères de l'Église dans ce qu'ils disent, même si c'est de façon furtive, plus tard, pour pouvoir justement asseoir une liturgie. C'est bien ça? Bien sûr, comme toujours. La liturgie, donc, est une autre source, une source différente, pas complètement autonome bien sûr, mais qui s'appuie sur ses racines baptismales que l'on retrouve de façon tout à fait claire dans le pontifical romano-germanique du Xe siècle. Alors ce pontifical, c'est donc une compilation de textes liturgiques, c'est bien ça? Tout à fait, une compilation de textes liturgiques qui en grande partie viennent de ces sources des sacramentaires carolingiens qui étaient utilisés pour les catéchumènes, et on voit donc un réemploi des formulaires de façon très créative au Xe siècle dans un petit chapitre de ce pontifical romano-germanique qui va connaître ensuite des développements. Anaïs Kien. Je vais faire un petit saut temporel, mais on voit bien que cette troisième catégorie, puisque c'est un peu notre objet aujourd'hui, cette catégorie d'exorcisme qui doit remédier à une possession, à une attaque diabolique, elle va se développer entre le Xe et le XVe siècle. Et au XVe siècle, on voit une prise d'importance très grande, qui s'accompagne aussi d'un contexte religieux très particulier et d'une angoisse, d'une certaine façon, face à la remise en cause de l'unité de la chrétienté. On pense évidemment à ce moment-là au grand schisme, mais également à une obsession peut-être de la multiplication de sectes qui atteignent à l'unité chrétienne. Tout à fait. Les hérétiques sont considérés comme des sectateurs des démons, mais aussi les sorcières. Et il est clair que le 15e siècle est une période où le contexte change complètement. Et la diabolisation des hérétiques et la diabolisation des sorcières les rapproche énormément de ce monde diabolique et justifie beaucoup de livres qui sont consacrés à la question de l'exorcisme, qui devient une véritable préoccupation quotidienne des démonologues qui ont été très nombreux à écrire tous ces livres, où désormais on s'interroge sur la façon dont on doit exorciser, le bon exorcisme et le mauvais, comment doit-on utiliser les bonnes paroles contre le diable. Oui, les bonnes paroles ou les bonnes musiques. Laurence Huidard, vous qui travaillez donc en tant que musicologue sur ces questions d'usage de la musique dans ces rituels d'exorcisme et de possession, on voit bien l'ambiguïté aussi de cette question musicale pour la période médiévale et la période qui lui succède à l'époque moderne, à savoir une musique qui peut être, selon certains pères de l'Église, quelque chose qui relève justement, quand elle est profane en particulier, du domaine du démon. Et une autre musique qui, elle, guérit, qui, elle, exorcise, qui, elle, aide à faire sortir le démon du corps des possédés. Et on voit bien toute l'ambiguïté, justement, de ces rituels et des usages des mots, pour ce que disait à l'instant même Florence Chavmahir, ou de la musique. Bien sûr, la musique a une ambivalence en soi. Elle n'a pas de valeur éthique en elle-même. Elle peut porter l'individu soit vers la contemplation divine, soit vers les affres du démon. Dans les manuels pour exorcisme, nous avons différentes questions qui s'ouvrent à nous et qui sont tout à fait particulières à ce type de littérature. Ça vaut peut-être la peine de regarder où se trouve la musique dans les manuels d'exorcisme. En fait, elle a un statut tout à fait particulier et je dirais même unique, en ce qu'elle est à la fois signe de possession diabolique. Le diable se manifeste par des bruits, par des sons. Par la musique. Le diable peut même se manifeste par des bruits, on l'aura dans une des lectures, se manifeste par des bruits horribles, par le chaos, etc., mais également par des musiques extraordinaires. Et des danses, accompagnées de danses parfois. Éventuellement accompagnées de danses, mais ce n'est pas ça le centre. Le centre de la question est quelqu'un capable de chanter merveilleusement ou de jouer extraordinairement d'un instrument de musique alors qu'il n'a jamais eu la moindre leçon de musique. Là, il y a quelque chose d'anormal. Il y a un signe à décoder. Ce signe, c'est la présence du démon qui joue en lui, qui chante à travers le corps possédé. C'est quelque chose de surnaturel qui doit être interprété. Ce surnaturel peut être soit divin, c'est plutôt un possédé divin par le bon Dieu, soit diabolique. Et c'est alors la question de comment déchiffrer cette manifestation extraordinaire du corps possédé. Et puisque vous évoquez ce texte que vous nous avez fourni, justement, Laurence Huidard, eh bien, tout de suite, Olivier Martineau nous lit ce texte qui est extrait des admirables vertus des saints exorcistes sur les princes d'enfer possédant réellement vertueuse demoiselle Élisabeth de Rancin, 1622. Elle a hurlé furieusement quand on la menaçait de brûler et réduire en cendres le portrait des diables. Sitôt qu'on faisait jouer de quelques instruments de musique ou que l'on accordait des voix pour faire un concert, elle s'est tellement agitée et tourmentée que même en oyant les orgues ou une autre harmonie, on ne la pouvait tenir à 6 et 8 personnes. Lorsqu'on a chanté tout simplement les psaumes et cantiques d'église, elle s'est si cruellement violentée avec des efforts si puissants qu'on ne la pouvait arrêter, car le diable se mettait en devoir de tout rompre et gâter, maltraitant tous ceux qui chantaient en sa présence. Donc le diable se manifeste par la musique parfois, une très belle musique, mais aussi lorsqu'on joue de la musique, on peut déranger le diable d'une certaine façon. Et voici cette possédée qui ne supporte pas la musique divine. Exactement. Donc ici nous avons eu le récit dans la pratique de ce que racontent par ailleurs les manuels pour l'exorcisme. Ici, c'est la question du signe qui est au cœur de la problématique. C'est une des grandes questions. Il faut établir une science du signe pour pouvoir distinguer le fou, le mélancolique, le colérique, le furieux, c'est les médecins qui s'en occupent, du possédé. Son corps bave et convulsé, il se contorsionne, mais aucun médecin ne peut rien pour lui. Et donc, cela relève de l'exorciste. Ici, nous avons des signes qui touchent à ce corps convulsé. Le possédé, la possédée, en l'occurrence, se contorsionne en présence des instruments, des voix, des orgues. Alors, est-ce que c'est elle qui se contorsionne ou est-ce que la puissance surnaturelle, surhumaine, aucun homme ne peut la contenir, 10 hommes ne suffisent pas à la maintenir, il y a quelque chose de surnaturel là. Bon, alors est-ce que ce surnaturel n'est pas le signe justement de la possession? Et là, effectivement, c'est le diable qui, de l'intérieur, s'agite dans le possédé. Pourquoi? Parce que c'est le prince du chaos et il n'aime pas l'harmonie. Anaïs Kien. Alors, on entend bien que la description de la possession s'affine au cours du temps, mais il y a quand même une autre dimension dans cette exacerbation des pratiques exorcistes, Florence Chavemahir. C'est aussi un combat de la part de l'Église contre des pratiques, c'est-à-dire un apurement des pratiques spirituelles pour unifier d'une certaine façon une pratique spirituelle exclusivement chrétienne, et c'est un combat contre des pratiques de magie populaire, peut-être des danses, certains chants qu'il convient d'écarter parce que faisant partie d'un corpus de croyances qui doit définitivement disparaître et qui peine peut-être à disparaître après même un siècle de chrétienté. Et cela, ça va être aussi un des éléments fondamentaux pour faire le tri d'une certaine façon, à la fois dans les croyances et dans les pratiques du quotidien, à un moment où il est très compliqué peut-être de savoir à quel point les gens, ceux qui n'écrivent pas, dont on n'a pas gardé les témoignages, croient au diable, aux forces de la forêt ou à tout un tas d'autres spiritualités ou influences sur leur vie quotidienne qui peut-être contrarient aussi l'autorité de l'Église. Tout à fait, on peut se demander même si l'exorcisme en soi n'a pas cette fonction-là de contrôler et de dominer tout ce dont vous avez parlé. D'ailleurs, le spectacle de l'exorcisme qui est donné dans la géographie, et on a beaucoup de récits parfois très longs et circonstanciés qui racontent ces exorcismes, ces rebondissements où un saint, une sainte se trouve confronté à un démon qui ne veut pas lâcher la place, où parfois le possédé est frappé, des chants lui sont présentés ou lui sont opposés, des prières lui sont dites, toute la communauté des fidèles est présente dans l'église. Il y a une sorte de mobilisation générale pour essayer de faire partir ce démon. Et lorsqu'enfin le démon cède la place, c'est une façon de démontrer d'abord la puissance du saint, la puissance de l'église, la puissance divine qui s'est manifestée, mais aussi c'est une façon de réconcilier l'ensemble de la communauté des fidèles. On a la sensation, à vous lire aussi, qu'il y a une certaine peur des campagnes et du rapport des croyants à la nature. C'est-à-dire que dans la nature sont contenus des éléments de subversion face aux croyances chrétiennes qui pourraient continuer à entretenir justement cette relation entre des forces surnaturelles qui ne seraient pas issues du dogme chrétien parmi les croyants. En même temps, le diable est bien un instrument de l'Église et c'est une façon, il est parfaitement contrôlé, c'est peut-être effectivement une façon de donner une récréation collective aux fidèles. D'incarner le mal. Vous dites effectivement qu'il y a la question de l'ambiguïté, c'est-à-dire que ce diable révèle la vérité de l'Église. Tout à fait. Sa simple présence dit que l'Église l'Église existe, que le Christ existe et qu'il faut combattre ce diable pour que advienne justement le royaume céleste. Tout à fait. Et la plupart des exorcismes finissent lorsque le diable prend la parole, et ça arrive quand même assez souvent, lorsque le diable prend la parole, il est là pour révéler la vérité de l'Église. En particulier des sorcières qui sont interrogées lors d'un exorcisme et qui sont donc possédées, elles vont finir par dire que, par dénoncer la sorcellerie dans laquelle elles sont plongées. Donc finalement, il est un outil utilisé par l'Église à son propre service. Alors vous nous présentez cet extrait de la Vita Prima de Saint-Bernard de Clairvaux qui va nous être lu dans un instant par Olivier Martineau, Florence Chavmaïr. Alors, on est au milieu du XIIe siècle. Saint Bernard de Clairvaux va de ville en ville. Il arrive à Milan et là, il est confronté à une jeune fille possédée qui lui est présentée au moment de la messe. Et donc, à Milan, la ville de Saint-Ambroise, effectivement, avec ces fameux chants qui s'approchent du divin. Donc, un extrait de cette Vita Prima de Saint Bernard de Clairvaux, lu par Olivier Martineau. Le troisième jour, le serviteur de Dieu se rend à l'église de Saint-Ambroise pour y célébrer les mystères divins. Une foule innombrable l'y attend. Au cours de la célébration de la messe, il s'était assis près de l'autel pendant que les clercs chantaient. On lui apporte alors une petite fille que le diable tourmentait de ses assauts violents. Il le prie de secourir la pauvrette et d'expulser le diable frénétique en elle. Ayant entendu la supplication des assistants, et vu l'être qui grince des dents et crie devant lui au point d'horrifier tous ceux qui la regardent, son âge l'émeut de compassion, et il souffre avec elle de la violence de son angoisse. Il prend donc la patène du calice, dans lequel il allait célébrer les divins mystères. Il répand le liquide sur ses doigts, et en priant intérieurement, confiant en la puissance du Seigneur, il applique le liquide salutaire sur la bouche de la fillette et verse sur son corps une goutte de ce remède. Sans délai, Satan, comme s'il brûlait, ne put supporter la force du liquide répandu. Contraint intérieurement par l'antidote de la croix, il sort en hâte dans un infect vomissement et surgit tout tremblant. Alors Florence Chavmaïr, là on est au XIIe siècle, mais ces rituels, ils s'adaptent à la période, ils s'adaptent à l'endroit. Il y a des périodes où ils sont plus pratiqués que d'autres. Vous expliquez dans un article qu'à Vallombreuse, un saint au Xe siècle pratique un exorcisme, mais que pendant plusieurs siècles, on ne va pas tellement s'y référer à cet exorcisme dans les vies de ce saint. Mais qu'on va au XVe siècle s'y référer. Ça veut dire qu'il y a une historicité, pourrait-on dire, à la fois des rituels, mais aussi des références à ces rituels d'exorcismes anciens. Si on prend cet exemple précis, on voit bien que Saint Bernard de Clairvaux n'a pas fait les choses au hasard. Il a véritablement, on pourrait imaginer, lire ce texte en disant que l'exorcisme arrive à point nommé. Et le diable même arrive à point nommé. Il est dans une période où il essaie de réconcilier la société milanaise et l'Église, qui vit à cette époque-là un schisme important. C'est ce que raconte dans son dernier livre Patrick Boucheron, justement, sur Saint-Ambroise de Milan. Tout à fait. Ce moment très particulier, justement. Et ce schisme nécessite de très importantes interventions diplomatiques de la part de Saint-Bernard de Clairvaux, qui n'est pas n'importe qui, bien sûr, et qui a un rôle à jouer. Alors, lorsque la petite possédée lui est présentée dans l'église, et lorsque la messe est en train d'être accomplie, évidemment, ça lui rend énormément service. Et puis, montrer à quel point les espèces eucharistiques sont efficaces contre les démons, c'est une façon aussi de démontrer que toutes les critiques, toutes les déviances n'ont aucun poids, et que il faut bien se montrer à quel point l'Église est efficace. C'est une démonstration absolument imparable de l'efficacité non seulement de Saint Bernard, ce qui est toujours bon à prendre, mais de l'Église aussi, bien sûr. Anaïs. Alors, ce genre littéraire va aussi se développer grandement pendant plusieurs siècles. Laurence Ouidard, on voit bien que le texte se décompose en deux parties, c'est-à-dire une description des symptômes Donc on établit une liste, une typologie finalement des signes de la présence démoniaque. Et par ailleurs, on prescrit aussi un traitement, c'est-à-dire un traitement à la fois de l'âme, mais également on voit bien des pratiques médicinales véritablement par l'exorciste lui-même qui devient un personnage en cette fin du Moyen-Âge. Bien sûr, et donc là on en revient au statut tout à fait particulier de la musique, à la fois signe, manifestation, on l'a vu, mais également remède. Elle a cette ambivalence, cette double nature dans la littérature d'exorcisme. Elle manifeste le diable par son langage extraordinaire, mais elle est également un des nombreux remèdes à la disposition de l'exorciste pour soigner, pour libérer ce corps possédé. Et on choisira la musique d'ailleurs en fonction des signes que l'on déchiffre sur le corps du possédé ou de la possédée. Dans l'occurrence, il s'agit quand même très souvent de femmes. On choisira la musique au sein des remèdes classés comme réalité matérielle. Donc l'exorciste se fait de plus en plus médecin au cours des siècles, de la fin du 15e à grosso modo aux années 1700 où les manuels les plus fameux de la Renaissance sont mis à l'index pour une série de raisons. Deux siècles d'histoire exaltent de plus en plus la figure de l'exorciste qui a à sa disposition une série de remèdes matériels et qui se fait donc de plus en plus médecin et qui traite la possession à la fois à travers des fumigations, à travers des herbes et à travers des composés musicaux qui ont le même statut. Et donc, vous nous avez fourni un petit extrait, justement, tiré de votre livre « Fuga Satanae, musique et démonologie à l'aube des temps modernes », donc qui est tiré, lui, de ce fameux livre qu'on n'a pas encore cité, mais qui est tellement important, « Le marteau des sorcières »,« Malleus Maleficarum » de 1486, qu'on peut trouver, comme d'ailleurs beaucoup d'autres ouvrages consacrés à la démonologie, à l'exorcisme, dans le très beau catalogue des éditions Jérôme Millon. Les herbes, la musique et les autres réalités matérielles ne peuvent pas, par leur vertu naturelle, exclure totalement les vexations que le diable exerce sur l'homme, quand cela lui est permis par Dieu ou par un ange bon. Néanmoins, elles peuvent mitiger la vexation et la rendre tellement infime qu'elle semble totalement annulée. Ce faisant, elles n'agiront pas sur le diable lui-même, car il est esprit contre lequel aucun élément matériel ne peut rien, mais elles agiront sur la vexation diabolique. On voit bien effectivement par cet extrait de texte tiré du marteau des sorcières, Laurence Widard, que ça n'est pas si simple, on ne peut pas tout extirper, on ne peut extirper qu'une partie de ce mal, en l'occurrence, parfois. Oui, donc ici nous sommes au cœur du marteau des sorcières, texte fondateur d'Emmanuel pour l'inquisiteur face à la sorcellerie, mais également texte fondateur d'Emmanuel pour l'exorcisme jusque les années 1700. Donc la sorcière n'est pas le possédé, la sorcière ou le sorcier a conclu un pacte volontaire avec le diable, c'est un individu qui attaque le corps social. Il s'est parfois laissé convaincre par le diable qui a fou, par des subterfuges conquérir son esprit alors qu'il n'apparaissait pas comme diabolique au départ. Globalement, c'est quand même vraiment le médiateur. Il est malin. La possession. Ouais, il est malin. Ouais, il est malin. Il est malin. Malin, bien sûr. Par contre, le possédé n'est pas un individu à condamner. Ce n'est pas quelqu'un à exclure du corps social. C'est quelqu'un à soigner. C'est une victime, comme tu l'as dit, Florence. C'est une victime. Mais néanmoins, le marteau des sorcières consacre différents chapitres aux possédés, aux signes et aux remèdes. Et ici, on est au cœur du chapitre sur les remèdes matériels. On a parlé des herbes et on a parlé de la musique. Les remèdes sont à la fois matériels ou spirituels, ce qui nous en dit long aussi sur nos propres catégories médicales aujourd'hui. Donc là, on dispose d'un ensemble de remèdes, matériels, spirituels, remèdes par les choses, remèdes par le langage. La musique, ça fait partie des remèdes par les choses. Et la question, c'est comment peut-elle agir et sur quoi peut-elle agir? Et là, effectivement, dans le texte, on est dans la question de savoir si elle peut agir sur le diable. Est-ce que la musique agit sur le diable, qui est un esprit? Non, car elle est matière. Est-ce que la musique agit sur le corps du possédé? Oui, car elle est corps sensible. Invisible, mais sensible. Le son est une matière. Elle peut donc agir sur le corps du possédé. Anaïs. Oui, Florence Chavmahir, on voit bien que ces pratiques médicinales, la musique fait partie des remèdes, mais on utilise aussi des substances pour soigner. Et très tôt, d'une certaine façon, une certaine concurrence, alors perdue dans un premier temps par les médecins peut-être, ou en tout cas ceux que l'on appellera médecins de manière tout à fait contemporaine, une concurrence va s'instaurer dans cette autorité du diagnostic et aussi du soin de ces malades qui sont tout simplement parfois malades et non possédés. Et cette ambiguïté, cette concurrence des champs de savoir va se faire très longue, puisque jusqu'au XVIIe, XVIIIe siècle, finalement, les exorcistes ont l'air de tenir le haut du pavé. Une complémentarité peut-être, et elle est toujours réelle aujourd'hui. Puisque le recours aux exorcismes est toujours une question d'actualité, mais restons quand même au Moyen-Âge, c'est plus simple pour moi. On a quand même l'impression que les possédés sont souvent présentés à un médecin dans un premier temps, un petit diagnostic, c'est souvent évoqué, et dans le long parcours comme nous le raconte la vie d'Hildegard de Bingen, la jeune Sigevise est quand même présentée au médecin dans un premier temps, qui très vite déclare forfait, et elle va de sanctuaire en sanctuaire. Et elle est présentée dans de très nombreux sanctuaires qui finissent par tous, eux, déclarer forfait aussi. Donc on a intérêt quand même à tomber sur un médecin et sur des servants compétents. Les médecins savent pas toujours quoi faire, et les prêtres non plus. Ça veut dire que le diable est fortement accroché, et les prêtres peuvent aussi avoir recours à des médications. Le pontifical romano-germanique nous raconte qu'il n'est pas inutile de proposer un jeûne aux démoniaques, c'est-à-dire une privation de nourriture qui peut être longue, l'administration du sel sur les gencives, donc des gencives frottées au sel, de l'eau bénite qui n'est pas tout à fait une médication mais qui peut être utile. On est dans un entre-deux et dans une sorte de complémentarité qui n'est pas dite, mais qui se voit en tout cas à travers un certain nombre de signes. Mais ce qui est difficile, Florence Chavmahir, c'est que s'approcher de cette puissance démoniaque et donc de ceux qui sont possédés par le diable, c'est prendre des risques. Vous expliquez aussi combien Hildegard de Bingen, avant justement de s'intéresser au cas de cette jeune fille, a des nuits difficiles parce qu'elle se dit, est-ce que je serai à la hauteur? Est-ce que je pourrai extirper le démon du corps de cette jeune fille? Et donc, il y a, un risque à prendre pour pouvoir s'approcher de ce démon qui peut retourner aussi celui qui célèbre l'antipossession et qui célèbre l'exorcisme. Tout à fait. Il y a un gros danger, finalement, pour les saints ou pour les personnes qui s'engagent dans ce processus. Un danger parce qu'ils sont confrontés au diable, un danger parce qu'ils sont aussi dans une situation de périlleuse. Je pense toujours à ce prêtre qui a fait un exorcisme et qui a un peu bravé les choses en envoyant le diable aux toilettes et qui lui-même s'est retrouvé possédé lorsqu'il a dû avoir recours aux latrines. Ah oui, donc effectivement, on est en mesure de se trouver soi-même pris par le démon. Et là, effectivement, on perd son statut d'homme d'église, de femme d'église. Et d'ailleurs, vous expliquez bien à un certain moment qu'il faut d'abord se pratiquer une sorte d'auto-exorcisme avant même de devenir le prêtre qui va pratiquer l'exorcisme. En tout cas, être parfait. En tout cas, être le meilleur possible et ne pas laisser d'interstices aux démons, par le péché en particulier. Alors, nous allons donner la parole dans un instant à Benoît Garneau, qui est avec nous en duplex depuis France Bleu Loire-Océan, qui est auteur d'une affaire de possession au XVIIe siècle sur les religieuses d'Auxonne entre 1658 et 1663, qui vient de paraître l'année dernière aux éditions Imago. On est à la toute fin de la période qui nous intéresse, et tout de suite, donc, une lecture d'Olivier Martineau, donc, à propos de cette affaire de possession du XVIIe siècle. Le 15 avril 1661, jour du Vendredi Saint, la dite sœur de Saint-Joseph fut conduite en la chapelle de Notre-Dame en compagnie de Madame sa mère et de la mère J de Sainte-Thérèse, zélatrice du monastère. On commença l'exorcisme sur les 2 heures après-midi, la dite sœur étant à genoux devant l'autel, sans trouble ni agitation. Tout à coup, elle commença à branler la tête et se mit à se tordre au pied de l'autel, puis se relevant promptement, se renverse en arrière, de telle sorte que la tête ne touchait pas le pavé. Elle demeura ainsi le corps plié et suspendu et les mains sur la poitrine, environ un quart d'heure. Toujours se plaignant et grondant d'une voix rauque et semblable à celle d'un taureau. On lui dit « Aufer velum ». Et incontinent, elle leva son voile et découvrit un visage extrêmement rouge et enflammé. Interrogé et pressé par de nouvelles conjurations et malédictions de le déclarer, il répond « Non debeo dare » et se retire. Rappelé avec menace, il donne un signe de sa présence par un trémoussement prompt et violent, et interrogé de son nom répond « Milefa ». Lorsqu'il met la main sur la tête de l'énergumène devant la pratique de l'Église, elle témoignait ne le pouvoir souffrir. Après avoir paru quelque temps tranquille et immobile, on l'avait surprise d'une nouvelle agitation moins violente que la première et différente de celle que Milefa excite. On lui demande « Qui es-tu ?» Il répond « Acaron » et en même temps jette le corps et la face contre terre. Aussitôt le relève et puis le renverse en arrière courbé comme un arc, jetant cependant une voix plaintive, paraissant disposée à dire quelque chose. Mais soudainement, l'énergumène paraît dans une sorte de violente agitation, accompagnée de ce grondement et de mugissement qui marque la présence de ce furieux et rebelle démon Milefa. Anaïs Kien. Oui, Benoît Garneau, vous avez travaillé sur cette affaire de possession d'Auxonne, donc une affaire qui se déroule entre 1658 et pour son dénouement final en 1663, une affaire qui montre un groupe de jeunes aspirantes à la vie de nonnes montrer des signes de possession, se déclarer possédées, et une possession qui va contaminer aussi le champ laïque, puisque certaines femmes laïques vont également être prises par cette possession. Tout cela, finalement, tourne autour aussi d'une affaire peut-être de vengeance d'une des nonnes de ce même couvent d'Auxonne dont il fallait se débarrasser. C'est la dernière grande affaire de possession diabolique qui nous permet aussi peut-être d'aborder le fait que, bien souvent, l'objet, le corps possédé est celui des femmes et finalement très rarement celui d'hommes. Benoît Garneau. Oui, c'est la dernière grande affaire, après celle d'Aix-en-Provence au début du siècle, de Loudun, qui est l'affaire la plus importante dans les années 1630, les de diables Louvier de Loudun. Dans les années 1640, les diables de Loudun, oui. Et puis Auxonne, donc la dernière grande affaire de ce type. Alors ce sont des affaires qu'il faut replacer en fait dans un cadre général, bien sûr. C'est le cadre de la chasse aux sorcières, qui se développe à partir de la fin du XVIe siècle et qui continue de façon importante jusqu'à la moitié, un peu plus, du XVIIe siècle et qui a deux composantes. D'une part, la chasse aux sorcières proprement dite à la campagne et d'autre part, la lutte contre les possessions diaboliques en ville et plus précisément dans les monastères d'Ursulines essentiellement, parfois les hospitalières, mais en général les Ursulines. Donc, comme vous le disiez, des épidémies de possessions qui frappent essentiellement les femmes et les jeunes filles, en particulier ici. Alors ça peut se placer aussi dans un cadre plus politique qui est social, qui est la prise en main, en fait, la domination que l'État veut permettre aux familles sur les jeunes filles. Il y a d'une part la répression de l'infanticide qui se fait très forte à cette époque-là et en même temps l'intervention contre les possessions dans ces monastères où on a mis des jeunes filles qui sont condamnées en fait par leur famille à passer toute leur vie dans ces endroits. Alors généralement pour d'autres raisons que simplement religieuses en l'occurrence. C'est voilà, les raisons en fait, c'est des raisons financières pour ne pas avoir à payer de dot au moment de leur mariage et ainsi pour ne pas scinder les patrimoines familiaux. Donc elles sont là depuis l'âge de 5, 6, 7 ans, comme élèves d'abord, et ensuite bien prises en main spirituellement par les religieuses. Elles deviennent novices, puis religieuses, et puis à un moment, certaines d'entre elles prennent conscience que ça leur fait... elles pourront pas connaître un grand nombre de choses qu'elles auraient voulu connaître, une vie à l'extérieur, une vie de relation, une vie sexuelle aussi. Et leur frustration se concrétise par cette affirmation ou cette impression qu'elles sont possédées par des démons, puisqu'on est dans un monde où la religion, le diable sont très présents, mais c'est par ce biais que leur frustration apparaît. Mais ce qui est très intéressant dans cette affaire de possession d'Oxon, donc de ces religieux d'Oxon, de la période du milieu du XVIIe siècle, c'est qu'elle clôt un cycle, pourrait-on dire, qu'on a évoqué ici, puisque après l'affaire d'Urbain-Grandier et de Loudun, après celle d'Aix-en-Provence dans la première moitié du XVIIe siècle, et bien là, la justice donc du roi, la justice civile, va se mêler de cette affaire et ne pas laisser faire simplement la justice ecclésiastique, comme c'était souvent le cas, et va d'une certaine façon prendre acte que ça n'était pas une affaire de possession, que la fameuse Barbe Buvet, qui était donc cette religieuse qui avait voulu remettre un peu d'ordre dans ce couvent, n'était pas donc quelqu'un qui était adepte de Satan, et va d'une certaine façon clore cette longue liste de possessions telle qu'elle a été développée tout au long du XVIe et XVIIe siècle, Benoît Garnot. Oui, voilà, c'est la grande différence avec les affaires précédentes. Les affaires précédentes, elles se terminent toutes par la condamnation du sorcier prétendu, avec le cas le plus célèbre, qui est celui d'Urbain-Grandier à Loudun, quelques décennies auparavant. Et là, la grande différence, c'est que la sorcière, c'est une sorcière cette fois, au lieu d'être un sorcier, mais enfin, fondamentalement, ça revient au même, la sorcière est innocentée, acquitté par la justice du Parlement de Bourgogne. Alors, ça se fait pas sans mal, il y a des oppositions, l'affaire rebondit, elle est envoyée ensuite sous l'influence de certains prélats qui sont favorables à l'interprétation inverse. Elle est envoyée devant le Parlement de Paris, et le Parlement de Paris, en fait, enterre l'affaire. Donc, on a là une mutation des mentalités, des sensibilités dans la magistrature. D'ailleurs, Benoît Garnot, on voit très très bien dans la très riche documentation de cette affaire, vous expliquez bien à quel point cette affaire est documentée, puisqu'il y a eu une enquête, voire même plusieurs enquêtes, et de très très nombreux témoins. On voit bien poindre, et plus que poindre, puisqu'ils sont, ils sont très nombreux, les sceptiques, face aux séances d'exorcisme en public, face à cette explication, finalement, le fait que cette accusation de sorcellerie et ces médecins, notamment, et ces témoins qui contredisent ces affirmations de possession par les jeunes filles eux-mêmes. Certains vont même jusqu'à affirmer qu'elles simulent un état de possession, montre aussi que finalement on arrive à un moment où l'explication du monde, finalement ces histoires de présence diabolique donnaient un sens aussi peut-être au mouvement du monde, sont en train de changer au XVIIe siècle et l'on cherche peut-être d'autres explications. Alors évidemment le dossier d'archives, les nombreux dossiers d'archives que vous avez compulsés ne le disent pas, mais on trouve d'autres explications à ces affaires de dites de possession qui semble ici être un complot contre une des nonnes mal aimées d'un couvent. Benoît Garnot. Ce qui est très intéressant notamment, c'est que la rupture ou l'opposition en fait entre les ceux qui croient à la réalité de la possession et ceux qui n'y croient pas traverse tous les milieux sociaux. C'est-à-dire que même au sein de l'Église, on a dans cette affaire des prêtres et des évêques qui croient vraiment que les religieuses sont possédées et d'autres qui n'y croient pas du tout. On retrouve ça parmi les médecins, certains y croient, d'autres n'y croient pas. Parmi les magistrats, certains y croient, d'autres n'y croient pas. Et je pourrais continuer ainsi. Même dans la population, dans le petit peuple de la ville d'Oxon, par exemple, on a le cas d'un charpentier qui dit clairement que c'est pas vrai, qu'elles sont pas possédées, qu'elles simulent. Alors, ça prouve en effet qu'il y a dans la société une part importante de scepticisme vis-à-vis de ce genre de manifestation, si vous voulez, oui. Et ça aboutit quelques années après, en 1682, à la dépénalisation de la sorcellerie. En 1682, la monarchie dépénalise la sorcellerie. Les sorciers existent toujours, mais on considère que, en fait, ce sont soit des escrocs qui profitent de la naïveté de la population, ou bien des simples d'esprit, des imbéciles, quoi, qui s'imaginent avoir signé un traité avec le diable, mais en réalité, c'est pas du tout le cas. Alors, terminé, allez-y, Benoît Garnier. Je voulais dire simplement que justement il y a une mutation en effet des sensibilités qui fait que l'Église en fait qui elle enfin globalement croit toujours que les possessions existent est de moins en moins au centre des préoccupations, au centre du pouvoir même je dirais tout simplement et d'autres force plus importante, une certaine laïcité en quelque sorte, le mot est un petit peu anachronique, mais c'est comme ça dans la réalité, se développe. Bon, c'est l'époque du cartésianisme, hein, c'est l'époque où beaucoup de choses changent, l'époque où les découvertes scientifiques également sont importantes, et souvent le diable servait à expliquer des choses qu'on pouvait pas comprendre parce que la science n'était pas assez développée, et c'est de moins en moins le cas au XVIIe siècle. Laurence Huidard, vous avez dit, vous aussi, que pour ce qui est justement de l'usage de la musique dans ces processus d'exorcisme, eh bien, vous la notez surtout entre le 15e et le 17e, et que le 17e aussi sert de terme à votre enquête, pourrait-on dire, dans Fuga Satanae. Tout à fait. La musique reste présente dans le chant des psaumes, dans cette codification jusqu'à aujourd'hui. Néanmoins, comme remède, elle s'en va. Le statut de la musique change. Essentiellement à partir du XVIIe siècle. Alors il faut savoir qu'au XVIIe, il y a quand même une grande réforme en 1614, c'est le rituel romain qui réduit les signes de possession, le pouvoir de l'exorciste, la liste des remèdes. Et là déjà, la musique en tant que remède matériel, capable d'agir sur la disposition du sujet, donc capable de redisposer, retempérer le corps afin qu'il ne soit plus l'habitacle possible du diable. Parce que le diable quand même, à partir du XIIe, la disposition du sujet est importante. Le diable vient habiter une maison mal rangée, désordonnée. La musique a cette possibilité de réharmoniser, ranger bien, de nouveau, cette maison, de manière à ce que le diable n'ait plus la place d'envahir le corps. En 1614, avec le rituel romain de Paul V, ça disparut. La liste des remèdes est revue, réduite, et le rituel non seulement opère une réduction, mais se distancie également de tous les aspects qui tendent vers la magie dans les manuels d'exorcisme. Et donc la musique disparaît, pas tout à fait à ce moment-là, parce que entre ce que dit Rome et ce que fait la pratique, il y a toujours un gouffre, mais effectivement, vers 1700, ce gouffre est comblé par l'index, parce que les plus grands manuels d'exorcisme des 15e et 16e et 17e siècles, qui laissent une grande place à la musique, sont mis à l'index au début des années 1700. Et oui, donc c'est évidemment un très grand changement de statut, Florence Chavemahir, et cela, ça signe non pas la fin du long Moyen-Âge tel que le voulait ou le pensait Jacques Le Goff, mais du moins un vrai changement par rapport à ce que vous connaissez en tant que médiéviste. Tout à fait. Là, pour les hommes du Moyen-Âge, il n'y a pas de doute. En tout cas, dans les récits que nous avons, il n'y a aucun doute sur la question de savoir si un tel ou un tel est possédé ou pas. Les signes sont indubitables. Il est totalement hors de lui-même et on en a assez peu parlé, mais finalement, les textes nous l'ont bien démontré. Il n'y a pas vraiment de débat, hein, en tout cas dans les documents que l'on a. Et donc il n'y a pas de débat, mais ce débat va naître progressivement au fur et à mesure du temps et d'une certaine façon aussi ranger. C'est incroyable de penser qu'effectivement tous ces textes qui ont servi dans les processus de possession pendant deux ou trois longs siècles vont d'un seul coup être mis à l'index et ne plus être valides pour l'Église en tant que telle. Alors c'est pas vraiment sûr, parce que ce que dit l'Église est une chose, mais la pratique en est une autre. Oui. Et on voit bien que déjà au Moyen-Âge, à l'intérieur des formulaires d'exorcisme, et en tout cas dans les manuels d'exorcisme qui apparaissent au XVe siècle, il y a une sorte de mélange entre exorcisme et magie. Et ça, on le découvre de façon assez surprenante lorsqu'on se plonge dans les livres. C'est-à-dire que à l'intérieur de formulaires canoniques, qui sont issus du pontifical romano-germanique, on découvre, bien rangés, bien cachés, des formulaires magiques qui sont totalement interdits, qui sont totalement proscrits par l'Église et qui pourtant sont là. Donc l'utilisateur de ces rituels d'exorcisme a la possibilité de switcher, de passer d'un texte à l'autre en fonction de ses objectifs, attirer ou repousser le démon. Anaïs Kien, pour faire un très grand saut dans le temps, en fait, le dernier texte canonique sur l'exorcisme date de 1998, si je ne me trompe pas. Donc les sorcières n'existent plus désormais, par contre les exorcistes existent toujours, Florence Schavmayr. Bien sûr, alors aujourd'hui, c'est une pratique qui est totalement officielle et qui a fait l'objet d'un nouveau rituel d'exorcisme. Publié et voulu par Jean-Paul II, puisqu'il y a une demande. Et cette demande, elle est bien sûr différente de celle du Moyen-Âge, mais elle se retrouve dans la mesure où il s'agit de personnes qui sont, d'après les enquêtes, hein, qui sont plus les miennes, mais qui sont mes lectures, des personnes issues des pays du Sud, des personnes qui ont frayé avec le satanisme, qui ont vécu des expériences un peu limites et qui se disent possédées. Alors, c'est un peu étrange aujourd'hui d'entendre quelqu'un... Vous voulez dire que ça partirait d'une sorte de demande sociale, une existence... Il y a une certaine demande sociale, et il y a encore des gens aujourd'hui qui ont cette idée-là de se dire qu'ils sont possédés. Alors bien sûr, ils sont allés voir probablement des médecins encore, des psychanalystes. En France, on a très longtemps refusé de faire des exorcismes, ou en tout cas pris l'Église a pris énormément de précautions. Sur ce sujet-là. Et finalement, pour faire un barrage aux pratiques trop spectaculaires qui sont... Ou trop violentes, d'ailleurs. Il y a eu des accusations de torture sur la fin de la période, notamment au XVIIe siècle, qui ont quand même beaucoup abîmé l'image des exorcismes. Bien plus récente. En Italie, les exorcismes sont tout à fait spectaculaires. Et le nouveau rituel d'exorcisme est là pour à nouveau tenter de cadrer les choses. Merci beaucoup à vous, Florence Schavmayr. Je rappelle que vous êtes auteur de L'exorcisme des possédés dans l'Église d'Occident au 10e, 14e siècle chez Brepols. Merci à Benoît Garneau qui était avec nous depuis les studios de France Bleu Loire-Océan, auteur d'une affaire de possession au 17e siècle, Les religieuses d'Auxonne, c'est chez Imago. Et merci à vous, Laurence Vuillard, d'être venue depuis l'Italie où vous enseignez. Et vous êtes l'auteur de Fuga Satanae, musique et démonologie à l'aube des temps modernes chez Droz. Merci donc à tous. Rappelons donc qu'on peut trouver beaucoup de choses dans le catalogue de chez Jérôme Millon autour de la question de l'exorcisme et des démons. Et puis aussi, on peut écouter tout de suite, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Je voulais écouter un petit peu de ce morceau que vous nous aviez conseillé. On va le conseiller à nos auditeurs. La sorcière et l'inquisiteur d'Erita Mitsuko qui présente une très belle scène, mais cette fois-ci d'inquisition. Donc on n'est plus sur ce binôme d'exorcisme et de victime d'une possession, mais là on est vraiment en présence d'une sorcière qui va finir par convertir l'inquisiteur venu l'interroger. C'est donc Rita Mitsuko, on n'en entend que quelques notes. Donc cette émission, comme d'habitude, avait été préparée par Marion Dupont et Céline Leclerc. Nicolas Slimani était à la technique avec nous et Marie-Laure Ciboulet à la réalisation.